Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Julie Pasquet. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Vous le savez, le podcast, il est soutenu par la NEF, la banque éthique, durable et écologique. Et c'est une question, à un moment ou un autre, qu'on s'est toutes et tous posé. Est-ce qu'on est fier de la banque à qui on a confié notre argent? Et moi, je suis fier d'avoir choisi la NEF comme partenaire de ce podcast. La NEF, c'est la banque éthique coopérative qui fait ce travail depuis plus de 35 ans maintenant. C'est la seule banque qui finance exclusivement des projets à impact écologique, sociaux et culturel. C'est la seule banque 100% transparente sur tous ses financements. Et enfin, c'est la seule banque qui a pour objectif principal l'utilité sociale. C'est carrément la banque des 2030 glorieuses. Et en tant que coopérative, c'est avec ses sociétaires qu'elle construit son projet de banque éthique. Alors, rejoignez-la. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux de te donner la parole à toi, Julie. Julie Pasquet, tu as cofondé Le Bruit qui court. C'est un collectif d'artivistes qui met l'art au cœur de l'engagement. Ensemble, nous allons donc forcément parler de l'art pour changer notre rapport au vivant et à nous-mêmes, de militantisme et de nouveaux récits. Mais je commence par te poser la première question, celle que je pose à toutes et à tous mes invités au début de nos échanges. Tu rencontres une personne que tu ne connaissais pas jusqu'alors, arrive la question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds? Oui, excellente question. Moi, j'ai mis du temps à pouvoir répondre à cette question, figure-toi. Parce que j'ai fini mes études il y a maintenant 3 ans, et pendant ces 3 ans, je pense que je n'ai jamais dit la même chose à qui que ce soit quand je présentais mon métier, parce que j'ai l'impression d'avoir 1000 casquettes et de faire 1000 choses. Et depuis là, ce mois de septembre 2024, j'arrive enfin à assumer et à vraiment me revendiquer en disant, en fait, mon métier, c'est d'être activiste et notamment aussi d'être artiviste. Et donc maintenant, j'assume de le dire et c'est un grand pas pour moi, mais ça a été un long cheminement pour réussir à, tu vois, à vraiment accepter et à mettre un mot sur ce que je fais et sur ce que l'engagement représente pour moi. Artiviste, c'est vraiment... En fait, on s'est rencontrés notamment au So Good Festival, même si je suis, moi, le Bruit qui court depuis ses débuts, notamment parce que tu as cofondé le Bruit qui court, on en reparlera avec d'autres personnes, dont Maxime, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Avec qui on avait été en lien sur d'autres projets. Et donc, je vois passer vos projets, vos actions. Mais le mot d'artiviste, pour moi, est nouveau. Alors, du coup, ma question qui est pour rebondir à ta réponse, est-ce que c'est... que tu avais du mal parce que le mot n'existait pas? Est-ce que c'est du mal parce que le mot étant assez peu utilisé, tu avais peur qu'il ne soit pas compris? Ou est-ce que c'est plus vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de la pression que te mettaient tes parents, je ne sais pas, des représentations que tu avais étant plus jeune sur ton métier, ton parcours professionnel, je ne sais pas? Ouais, moi je pense que c'est beaucoup un cheminement personnel et un travail sur moi d'assumer de ne pas avoir fait la voie classique parce que moi j'ai fait... j'ai eu la chance de pouvoir faire des grandes écoles et j'ai fait un double diplôme et tout ma vie était plutôt assez tracée. Et quand j'ai décidé de refuser un CDI à la fin de mes études et que j'ai dit en fait non, je veux être militante, je veux être activiste à temps plein, en fait ça a été compliqué à la fois autour de moi mais pour aussi faire comprendre à mes amis, ma famille, le choix de vie que j'ai fait. Donc je pense que c'était très personnel d'assumer aussi et de dire en fait c'est des vraies compétences, c'est un vrai métier. Et après, bah, d'un autre côté, le mot artiviste, en effet, il n'est pas, c'est pas un mot qui est nouveau, parce qu'il y a des artivistes depuis très, très longtemps, et nous, on s'inspire aussi d'une tradition historique et de beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé en liant l'art et l'engagement. Mais c'est vrai que c'est pas un mot courant, c'est pas quelque chose qu'on utilise couramment, et quand on parle du militantisme, on ne pense pas du tout tout de suite aux artistes engagés et aux activistes. Donc je pense qu'il y a aussi, en effet, une envie de remettre un peu ce mot au centre de l'attention et au centre des nouvelles manières de s'engager, quoi. Donc il y a aussi ça, oui. Est-ce que toi, t'en connais beaucoup d'autres des artivistes? Alors j'imagine que la réponse est un peu oui, parce qu'avec le bruit qui court, vous êtes un aimant, puisque vous êtes un collectif, donc des autres militants artivistes, tu dois en avoir pas mal. Mais des personnes qui vraiment ouvertement, comme toi maintenant, se présentent comme étant artivistes, tu en connais beaucoup d'autres? Non, franchement non, pas beaucoup. Même donc nous au sein du bruit qui court, il y a des artistes, vraiment des artistes professionnels, et on a des militants, militantes qui ont juste qui ont une fibre créative. Mais c'est vrai que même dans ces deux univers-là, il y a quand même très peu de gens qui disent ça. En tout cas, je l'entends assez peu. Donc, ouais, ça veut peut-être dire quelque chose, et il y a clairement quelque chose à creuser sur ce terme-là et ce métier un peu à inventer. En fait, j'aime bien cette première question parce qu'elle me permet d'essayer de creuser un peu le sens des mots qu'on utilise, notamment à l'heure de la Startup Nation où sur LinkedIn, on est un peu tous et toutes fondateurs d'un truc, cofondatrices d'un machin. Hein, c'est vrai, non? Et en plus, si on a des mots en anglais dans le titre de poste, c'est encore mieux. Alors que là, en l'occurrence, toi, tu vois, tu es à la croisée des chemins, et ça m'intéresse parce que tu éclaires, d'une certaine manière, un manque de positionnement. Alors, est-ce que c'est parce que la société ne l'exigeait pas? J'ai pas l'impression. Est-ce que c'est parce qu'on en ressentait moins le besoin? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est parce qu'on se rend compte absolument que maintenant, que l'art est donc... Là, on pourra en reparler ensemble, le théâtre, les films, la littérature, elle façonne notre regard sur le monde, et qu'à l'heure de la bataille des imaginaires qui est en train d'être menée, les artistes, ils ont un rôle à jouer, ils ne sont pas simplement spectateurs et spectatrices de cette bataille des imaginaires, que le mot artiviste, il devient aussi important. Ah oui, complètement. Ouais, je pense que ça, il y a un gros effet de société par rapport à ça. Et puis... je pense qu'il faut aussi inventer ce que ça veut dire être artiviste en 2024 au vu des enjeux qu'on a, tu vois, face à nous et au vu des projections actuelles. Enfin, je pense que c'est aussi, comme je l'ai dit, dans une tradition historique, mais comment on invente aussi ce que c'est aujourd'hui, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et parce que l'urgence est encore de plus en plus présente. Donc, pour moi, il y a aussi une forme de se réinventer au vu de ça. Donc, tu cofondes, je l'ai dit, le bruit qui court en 2021. Est-ce que tu peux me faire le petit pitch qui va bien de « Ah, t'as cofondé le bruit qui court, qu'est-ce que c'est ?» Comme ça, en 30 secondes, une minute, tu réponds à celles et ceux qui se posent la question depuis qu'on en parle depuis tout à l'heure. Et puis ensuite, surtout me dire pourquoi. Pourquoi ce moment-là et pourquoi le fait de le faire collectivement? Ouais. Donc du coup, oui, le bruit qui court, on est un collectif d'artivistes. Donc on regroupe à la fois des artistes et professionnels et, comme je le disais, des activistes qui ont une fibre créative. Et notre but, c'est de remettre l'art au cœur de notre engagement et en fait de se dire l'art a une puissance incroyable pour aller embarquer les gens, toucher les gens avec les émotions et potentiellement les mettre en mouvement après. Et en fait, c'est une autre manière de s'engager qui va être beaucoup plus dans la partie émotionnelle, dans la partie créative. Et donc voilà, on s'est dit, on fait le pari de rassembler dans un espace des artistes, le monde artistique, le monde créatif, le monde culturel et le monde de l'activisme, ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'il y a eu beaucoup de défis, parce qu'il y a c'est des mondes qui se parlent pas tout le temps, qui fonctionnent très différemment, qui n'ont pas les mêmes temporalités, pas les mêmes enjeux. Nous, on s'est dit, on va rassembler tout ça et on va essayer de réinventer les manières dont on fait de l'activisme aujourd'hui pour parler autrement des sujets. Et en fait, enfin, pourquoi on l'a créé? Moi, j'ai fait trois constats, en fait, quand on a lancé le bruit qui court. Le premier constat, c'est la place des émotions dans notre engagement et la force et la puissance que ça a. Moi, je pense que j'ai vraiment été très, dans une période au début, très rationnelle, les chiffres, la compréhension, tu vois, un peu technique et scientifique de ce qui se passe. Et très vite, je me suis rendu compte que les émotions et notamment la manière, comment moi je me sentais et du coup comment je parlais de mon engagement avec mes émotions, ça avait vraiment un impact très fort. Moi, typiquement, au début, avec mes parents, j'ai été dans le conflit, dans la colère, dans beaucoup de tristesse. J'ai remarqué que ça n'a pas énormément fonctionné pour les convaincre. Et c'est là que j'ai vu, je me suis dit, ah waouh, en fait, ces émotions-là, elles ont une place de ouf dans ma vie et dans mon engagement. Et du coup, comment est-ce que, notamment la joie militante, et ça, c'est un des piliers du bruit qui court, comment est-ce qu'on remet de la joie au cœur de ce qu'on fait? Donc ça, c'est un peu la première chose. Hein. Les émotions sont hyper importantes et l'art est un vecteur d'émotions très fort. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est qu'il y avait un besoin de renouveler les formes d'engagement. Moi, j'ai fait partie de cette génération en 2019 qui a fait les marches pour le climat, les grèves pour le climat. Je fais vraiment partie de la génération Greta Thunberg. J'ai marché, j'ai fait de la désobéissance civile, du plaidoyer, parlé à des ministres, signé des pétitions. Moi, j'ai senti un peu un essoufflement un peu, gros guillemets, de cette génération et un besoin de renouveler les formes d'engagement. Et je me suis dit, en fait, y a d'autres choses à penser, à imaginer. Donc ça, c'est le deuxième constat. Et le troisième constat que j'ai fait, c'est justement la question des récits, des imaginaires, et la place qu'ils ont dans notre société, et notamment la place des récits et des imaginaires autour du militantisme. Donc nous, on a vraiment un truc de comment on crée un autre récit sur ce que c'est que s'engager et qu'être activiste. Aujourd'hui, on peut avoir tendance à avoir un truc, bah, c'est voué à l'échec, ou c'est des gens qui font que râler, c'est fatigant, c'est épuisant, regardez, ils sont relous, si je caricature, mais c'est en fait un peu ça, moi, que j'entendais autour de moi. Et nous, on s'est dit, en fait, moi, c'est pas du tout ça, mon engagement. Et avec le bruit qui court, on avait envie de réinventer aussi ce récit sur ce que c'est qu'être militant, en y mettant de la joie, en y mettant du beau, en y mettant de l'esthétique, en y mettant une très, très grande diversité de pratiques artistiques, pour essayer voilà, de jouer sur ce récit et de donner envie de s'engager d'une autre manière. Et en plus d'agir sur la bataille culturelle, évidemment. Julie, tu me tends les trois perches que je voulais saisir pour continuer à creuser tes présentations. Donc c'est parfait, on va revenir dans l'ordre si tu le veux bien. Et à la fin, dans 8-9 minutes, comme ça tu as le plan parfait exactement que j'avais envie de suivre dans le déroulé. J'aimerais bien que tu me donnes aussi des exemples concrets. Parce que je pense que là aussi, on commence à toucher à des sujets qui donnent envie. Et en même temps, je ne suis pas sûr que les gens ils arrivent tout de suite à se projeter en image sur ce que ça représente. Donc la première chose, c'est t'as utilisé déjà 4, 5, 6 fois, je sais pas, j'ai pas compté exactement, mais à de nombreuses reprises le mot militant. Et effectivement, en général, quand on parle de militant écologique, on s'imagine pas des gens en train de danser et de sourire à la vie. Et même pour avoir été ces 10 dernières années, pour le dire un peu rapidement, dans le milieu militant écolo, je me suis rendu compte que souvent être joyeux, c'était un peu mal vu, pour le dire comme ça, et que ça peut sembler même parfois moqué, voire presque présenté comme contre-productif. Toi, tu dis pas ça. J'ai l'impression que tu dis que non seulement c'est pas le cas, mais qu'en plus c'est stratégique, c'est ça que tu dis? Ah ouais, pour moi c'est fondamental et nous c'est vraiment l'ADN du bruit qui court est basé sur la joie militante. Pour Raconte-moi, parce justement. que là, tu vois, encore hier, je suis désolé, je t'interromps, mais Claire Nouvian, dans le podcast, enfin, dans l'émission de Guillaume Meurice la dernière, disait, en présentant l'association Bloom, hein, qu'elle dirige depuis maintenant longtemps et qui travaille sur la question des océans, disait que c'est la colère, il faut la colère, c'est hyper important la colère. Dis-moi comment c'est complémentaire et parle-moi de cette joie, alors vas-y. Oui, c'est ça, complètement. Moi, j'ai pas du tout envie de nier le fait qu'il faut toutes les émotions et qu'on a besoin de toutes les émotions. Et ce qui met en mouvement les gens, c'est aussi des émotions différentes. Donc nous, à travers, par exemple, les actions qu'on mène, on va amener de la colère, on va amener parfois de la tristesse, du désarroi, de la détermination. Enfin, par contre, nous, en interne, on a aussi envie d'essayer d'incarner autre chose. Et du coup, le pilier de notre ADN du bruit qui court, c'est cette joie militante. Et pour moi, c'est pas cette joie bisounours en mode tout va bien, tout est, enfin tu sais, c'est un peu, je trouve, caricatural quand on dit le mot joie, c'est oh bah du coup tout va bien, tout le monde est gentil, c'est merveilleux. En fait, pour moi c'est pas du tout ça. Moi je parle toujours d'une joie réaliste. Je suis consciente des enjeux, en fait. C'est juste que si je veux continuer à m'engager, parce que c'est un marathon et ce n'est pas un sprint, en fait moi ma joie elle est fondamentale. C'est une pulsion de vie, en fait, non? Pardon? C'est une pulsion de vie, non? C'est Ah une ouais, manière ah mais de dire 100%. que, en fait, t'es vivant C'est et là, en clair. l'occurrence, t'es vivante et t'as pas Ouais, c'est d'autre ça. choix que d'être vivante, donc tu le fais à fond. C'est ça. Et moi, ça vient vraiment me toucher dans mes tripes, dans mon cœur. La joie, c'est mon énergie, c'est celle qui me donne vraiment, qui me bouscule et qui me donne envie de faire qui fait que je me lève le matin. Et je le vois avec beaucoup de personnes aussi au bruit qui court, notamment beaucoup de nos bénévoles qui nous disent, mais ça fait un bien fou d'être dans un espace où en fait, il y a vraiment cette joie viscérale de s'engager et d'agir dans un monde qui est hyper destructeur, qui est hyper violent à plein d'égards. Mais par contre, le faire avec joie, moi j'ai aussi le sentiment que ça embarque beaucoup plus autour de moi. Vraiment beaucoup Oui, il plus. y a Et deux ça, c'est choses la dans ce que grosse tu dis, hein, diff, quoi. Julie. Ouais. Là, Julie, tu dis que, et d'une, bah, du côté des militants, ça leur fait du bien parce que ça permet de lutter, d'endiguer, d'atténuer, de réduire, de carrément même, pourquoi pas, enfin, balayer le burn-out militant. Moi, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui se laissaient un peu plomber par leur colère, leur frustration, leur rage et qui ne savaient pas la gérer et qui, du coup, à un moment, avaient toute cette énergie qui se retournait contre elles et eux-mêmes. Et donc toi, tu dis que les militants, du coup, cette joie, ça leur fait du bien, ça leur permet de tenir. Et en plus, tu dis que ça permet aussi, ça vous permet, en l'occurrence là, à vous, de rassembler peut-être plus largement. C'est le moment d'élargir le cercle grâce à la joie. Ouais, moi je pense, moi j'en suis convaincue, vraiment. Et je le vois avec à la fois ma génération, mais avec d'autres générations. Moi, si je prends vraiment l'exemple de ma famille, ça a vraiment changé radicalement le fait de revenir à ma joie après ma courbe du deuil avec la colère, le déni et tout ça. Quand je suis revenue à mon énergie de la joie, en fait, ma famille a vu énormément la différence. C'est beaucoup avec eux que j'ai compris ça. Et la manière dont je parle du bruit qui court aujourd'hui, dont je parle de mon activisme, en fait, elle a complètement changé et elle embarque beaucoup plus qu'à une autre période. Donc, en fait, de mon expérience personnelle, j'en suis vraiment convaincue et les gens autour de moi, voient la différence aussi. Ouais, je partage ça et j'ai exactement le même constat. Et c'était la dernière question que j'avais sur l'impact du bruit qui court. Tu disais que on mène une bataille culturelle. Est-ce que finalement c'est pas ça? En fait, tout ne tourne pas autour de cette question de joie. Là où le capitalisme, avec le fait de vouloir toujours courir derrière de la domination, de l'argent, de la puissance, du matérialisme, et ben en fait, il nous fait ne pas nous confronter à cette question de la joie dans nos vies. On est tout le temps en train de foncer tête baissée sur l'ultra-court-termisme, le plaisir. Et toutes les émotions négatives qui sont liées à cette recherche du plaisir court-termiste, c'est-à-dire la frustration, la jalousie, l'envie. Alors qu'en réalité, la joie, elle est plutôt liée à la solidarité, l'entraide, le temps profond. Comme moi, je l'analyse, en tout cas, l'idée d'être vraiment vers sa vibration profonde, son originalité, sa singularité, donc de prendre le temps de se connaître, de faire des erreurs, d'aller à la rencontre des autres. Est-ce que c'est caricatural ce que je dis, ou est-ce que, en fait, c'est là où se mène en réalité vraiment le combat, plutôt que de se dire bagnole électrique, nucléaire ou pas, et toutes les conneries qu'on entend en permanence à la télé? Non, non, je pense qu'en effet, la place de la forme, donc la manière dont on incarne aussi, tu vois, ce changement et ce pourquoi on se bat, et notamment cette joie, je suis hyper alignée avec ce que tu dis, c'est assez fondamental. Et je trouve que même, tu vois, le capitalisme nous fait croire qu'il y a de la joie dans des espaces où je ne sais pas si c'est vraiment de la joie, tu vois, tu parlais de plaisir, je pense qu'il y a vraiment une dichotomie entre les deux. Typiquement la joie d'acheter des nouveaux trucs, de l'hyperconsommation, la joie d'avoir une grande maison avec une piscine, un SUV. Pour moi, ça, c'est si tu vois des récits qu'on se raconte et du coup qui est peut-être plus lié à des notions de plaisir. Est-ce que la joie, vraiment viscéralement, je pense qu'en effet, elle est très liée à des valeurs de coopération, à des valeurs d'entraide, de partage, de moments de vie très sincères et très simples. Je pense que ça va aussi beaucoup avec la simplicité de ce que c'est que la joie et de cette énergie-là, qui va aussi avec des petites choses pour ramener à l'essentiel. Donc ouais, je suis très alignée avec toi là-dessus. Raconte-moi alors comment elle transpire cette joie dans vos projets. Je ne sais pas d'ailleurs comment on les appelle, vos projets, des performances, des actions, je crois, non, c'est ça? Ouais, il y a plein de choses en fait. Parce que le bruit qui court, c'est aussi un espace d'expérimentation. Et tu vois, notre ADN, donc il y a la joie militante, il y a toutes les notions autour de la coopération et il y a aussi l'expérimentation. Et moi, c'est ça que je trouve très chouette. Donc là, on parlait de la joie, donc expérimenter la joie militante pour voir, tu vois, aussi qu'est-ce que ça fait chez les gens, mais aussi expérimenter plein de modes d'action qui sont différents. Donc on fait en effet des performances, beaucoup dans l'espace public pour se réapproprier l'espace public. On fait des actions créatives. En fait, on vient changer les modes d'action traditionnels du militantisme en venant leur donner une couleur beaucoup plus créative, beaucoup plus artistique, à les toucher. Donne-nous des exemples, Julie, s'il te plaît. Parle-moi de lieux, Ouais, et ben pour la performance, par exemple, on a notre performance originelle qui s'appelle Résiste, qui est une performance en trois tableaux qui vient à la fois montrer l'état du monde et ensuite qui finit justement sur le manifeste du bruit qui court et justement cette joie de s'engager. Et cette performance, on peut la faire à 7 personnes comme à 150. On l'a déjà fait à 150 dans l'espace public. On l'a fait à Arles, on l'a fait Place du Châtelet, on a pu le faire au Centre Pompidou, on a pu le faire dans des petits territoires ruraux un peu partout en France. Et c'est une performance très participative qui se finit sur Résiste de France Gall, où on invite les gens à venir danser avec nous et à casser cette barrière entre nous, on est sur scène, et vous, vous êtes spectateurs, spectatrices. Et c'est notamment, c'est un moment toujours extrêmement fort qui touche le public, mais qui aussi touche beaucoup les gens qui participent à cette performance. Tu vois, elle est ouverte à tous et toutes. Donc toi, Julien, tu peux venir demain faire une répétition de 4 heures et tu peux aller danser après. Et nous, il y a plus de 300 personnes qui ont été formées à cette performance et qui peuvent la faire et pour qui ça a joué. Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment que ça crée quelque chose de très fort. Voilà, et après en action créative, j'ai plein d'exemples. Nous, notre stratégie au bruit qui court, c'est de venir en soutien à des luttes existantes. Donc, on ne porte pas des projets juste le bruit qui court. On le fait toujours en collaboration avec d'autres. Et moi, je tiens beaucoup à cette notion de mise au service des autres, de ne pas que porter notre plaidoyer et notre petit bout de gras avec notre orga, mais justement d'aller soutenir et se mettre au service. Donc, on a travaillé sur la question de la fast fashion et on a organisé, par exemple, une performance dansée avec 1500 kilos de vêtements au milieu du centre commercial de Châtelet-Léal. Ça a été hyper marquant. On a organisé aussi un canular de grande ampleur. On a fait croire que Total Energy allait faire un pipeline géant au milieu de la France pour critiquer le pipeline ICOP qu'il est en train de construire en Ouganda et en Tanzanie. Et donc, on a fait croire, on a utilisé les mêmes techniques que Total Energy, on a envoyé des lettres d'expropriation et créé des fausses jeunes de chantier en France pour faire vivre un tout petit peu aux gens ce qu'est l'horreur de ce projet qui déplace des centaines de milliers de personnes à l'autre bout du monde. On a, pour les élections européennes, créé un disco-isoloir et en fait, on a réinventé l'isoloir en y mettant des choix pour des prochaines playlists et le but était d'aller voter pour changer l'ambiance et faire le lien avec les élections. Donc, tu vois, c'est hyper diversifié. On s'offre la possibilité de rêver. En fait, ça me fait aussi tellement bien de rêver des actions militantes qui sortent du cadre, qui sont différentes et qui vont toucher différemment les gens par la suite. Et pour les personnes, là, Julie, qui se disent « Mais attends, c'est trop bien ce que vous faites. Moi, j'ai envie de découvrir ça. J'ai envie d'en voir plus. » Qu'est-ce que tu leur recommandes? Et même encore mieux, pour toutes ces personnes qui disent « Mais moi, j'ai envie carrément de participer. » Comment elles font pour vous donner l'énergie et faire en sorte que vos projets ils grossissent comme ça dans ce collectif? Nous, on est basé... Il y a beaucoup de personnes à Paris, mais on a des gens du bruit qui court dans d'autres villes en France, notamment à Bordeaux, à Grenoble, à Lyon, à Marseille. Donc, on fait des actions, on en a fait beaucoup à Paris, mais on essaie aussi de se décentrer et d'aller ailleurs. Et aujourd'hui, on met beaucoup de choses sur nos réseaux sociaux, on fait beaucoup d'appels à bénévoles, à participation, aux mobilisations sur nos réseaux sociaux. Et on a une super newsletter aussi que vous recevez une fois par mois où il y a toutes les infos. Et en fait, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez nous rejoindre pour faire une performance résiste. Nous rejoindre le mois prochain, par exemple, on fait une action là dans 15 jours sur la question des violences administratives pour les personnes en situation de grande pauvreté. On a bossé sur 1000 sujets et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est qu'en fait, venir en soutien à des luttes, ça fait qu'on bosse avec les écosystèmes féministes, des écosystèmes plutôt climat, mais aussi les écosystèmes avec plus des luttes sociales et on a une vision intersectionnelle. Donc, on sait que toutes ces choses se regroupent et qu'on peut se mettre au service de l'une ou de l'autre. Et ça fait sens pour nous, en fait. Génial, Julie, c'est hyper intéressant. On va partir bientôt en 2030 glorieuse. Moi, j'ai envie que tu me racontes à quoi ça ressemble un monde où dire qu'on est artiviste, ça ne fait pas que les gens ils nous regardent avec une drôle de tête en disant « mais c'est un vrai métier, ça, d'être artiviste ». On va en reparler. Et avant ça, il y a toujours une bulle qui nous est offerte, proposée par l'invité du jour, et en l'occurrence là, toi, qui, à travers une lecture, va nous partager des valeurs que tu as envie de voir se déployer en 2030 glorieuse. Parce que moi, j'en suis persuadé, la lecture, elle nous permet de nous mettre en mouvement. C'est un véhicule parfait pour que justement on puisse commencer à s'autoriser à rêver, à se dire que demain c'est pas foutu et que même ça peut être mieux et que on a déjà plein d'exemples de ces demain qui pourraient être mieux dans les livres tout autour de nous sur nos étagères. Eh ben oui, merci pour ça. Moi, ça a été un gros moment de réflexion sur quel texte est-ce que j'allais pouvoir partager. Et en fait, je suis revenue à un truc assez simple, mais moi, j'aimerais vous lire un bout du manifeste du bruit qui court, qui est un texte qui a été écrit à plusieurs mains par des personnes du collectif il y a maintenant 3 ans. Et la performance résiste se base dessus. Et pour moi, ça dit énormément de qui nous sommes, vers quoi on se projette et qui, moi, qui me fait du bien. Donc, je me suis dit que j'allais vous lire aussi quelque chose qui peut faire du bien. Thank you. est-ce que je peux encore rester là, immobile, les bras croisés? Je me suis posé cette question et je connaissais déjà la réponse. Je n'ai pas le choix. Les chiffres sont là, les bras croisés, le monde brûle. Mais il me fallait autre chose. Un souffle pour survivre aux statistiques. Une onde sensible pour connecter raison et émotion. Pour agir. Pour réagir enfin. Sans ça, je reste pour l'éternité quelqu'un d'interdit. Interdit, ça signifie que je n'ai pas le droit de parler. Stupéfaction, sidération, je n'arrive plus à respirer. Interdit, ça signifie que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de rêver, de me projeter, d'espérer. Un enfant, notre avenir, un emploi, rien qu'un regard, impossible, interdit. Pourtant, je refuse de me taire, parce que je suis vivante. Le vivant, c'est tout ce qui nous a précédés et qui demeure présent. Du végétal à l'animal, c'est cet élan pur et puissant qui traverse chaque existence, cet indicible mélange de matière et de sensible. Le cœur d'un nourrisson qui s'éveille, celui d'un ancien qui s'éteint. L'herbe folle dans les failles du bitume, la vibration d'une forêt de sapins. L'élan de joie d'une foule dansante, chaque visage, chaque vécu, chaque regard. Un seul air dans nos poumons, la même eau sous nos écorces, depuis plus de 3 milliards d'années. Il est temps. Il est plus que temps d'incarner de nouvelles façons d'être au monde. Nous souhaitons donc rassembler artistes et militantes pour qu'à partir de cette combinaison de pratiques, de nouvelles initiatives émergent. Créer d'autres œuvres engagées et visibiliser celles qui existent déjà. Former des artistes au militantisme et des militantes aux arts. Nous voulons danser la colère de notre ère, jouer le monde de demain, slammer notre identité. Raconter les bascules, les nouveaux possibles qui fourmillent déjà partout. Trouver les brèches dans lesquelles s'infiltrer et grandir. Inventer les alternatives les plus folles pour en devoir advenir quelques-unes. En toute simplicité et en toute humilité. Et tout ça, toi aussi tu peux le faire. Ce mouvement est ouvert à toi, qui aime écrire dans ta chambre, chanter sous ta douche ou danser sous la pluie. Il est ouvert à toi, écrivaine, danseur, musicienne, sculpteur, actrice ou peintre. Il est ouvert à toi que tu te sentes militante ou débutant, indécise ou affirmée. Il n'y a pas de légitimité à prouver, seulement des actions à mener et des relations à construire. L'art, c'est tout autour de toi, entre la ligne d'horizon et la courbe du soleil. Mais aussi en toi, ça coule dans tes veines, c'est entre tes mains, dans ton regard. Plus qu'une nouvelle respiration, le soubresaut du monde. L'art n'est pas réservé aux élites, c'est l'heure de se le réapproprier. Remettre l'art populaire au cœur de nos vies et pour la vie. Faire de l'acte de création un acte de résistance. Nous sommes forts et fébriles, ambitieux et humbles, traversés de certitudes et de doutes, de cohérences et de paradoxes que nous souhaitons rendre visibles. Nous souhaitons représenter une pluralité d'expériences de vie, de points de vue. Nous avons parfois du mal à l'incarner. Nous voulons œuvrer à la racine et nous reproduisons parfois les épines. Nous souhaitons toucher le plus grand nombre et agir à échelle humaine. Nous allons expérimenter, nous lancer, réussir, rater, essayer encore, nous adapter et toujours, toujours écouter et aimer. Ces tumultes, c'est nous, on fait avec. Notre génération grandit comme ça, avec la peur de tomber, la joie de créer, la rage de vivre et l'envie de nous réveiller au monde, l'envie de t'embarquer avec nous, de s'émerveiller et de se soulever ensemble. Merci Julie pour cette lecture. Ça y est, le soubresaut du monde, on l'a eu. On est en 2030 glorieuse. Je sais pas si tu as ressenti la secousse sous ta chaise pendant que tu étais en train de lire, mais on est bel et bien en 2030 glorieuse. Je sais que l'exercice de pensée est pas évident, mais à la fois j'ai confiance en toi pour le réussir, puisque là, dans les 20 prochaines minutes, on va parler des 2030 glorieuses comme si elles existaient, donc au présent. On va pas utiliser de conditionnel, et si tu utilises le futur, c'est pour parler des 2040-2050 glorieuses. les 2030 glorieuses, c'est pas tout est réussi, tout est réglé, les bisounours, c'est la joie, comme tu le disais, un peu naïve et béate. Non, non, c'est la conscience profonde des enjeux de notre siècle et d'enfin réussir à se mettre à la hauteur avec ce que ça veut dire aussi de frustration, de perte, de refus, de renoncement, qui du coup laisse beaucoup plus de place pour remplir nos vies de ce qui finalement nous rend profondément joyeux. En 2030 glorieuse, donc on décrète. Hein. Je t'invite à vraiment être dans l'ambition. On va sans doute rater, comme tu le disais dans le manifeste, on va se planter même, c'est sûr, mais comme le dit l'autre, c'est en plantant qu'on devient jardinier. C'est en se plantant qu'on devient jardinier. Et du coup, ma première question pour toi, Julie, si ça te va, c'est là, je ne sais pas où tu es depuis les 2030 glorieuses, tu regardes par une fenêtre, qu'est-ce que tu vois ? Eh ben moi, à ma fenêtre, moi je suis en Dordogne, dans un territoire que j'aime énormément parce que j'y suis très attachée, puisque ma famille y vit depuis très très longtemps. C'est un territoire dans lequel je me sens très bien et dans lequel cette rivière est préservée, sa biodiversité l'est aussi. Et c'est un endroit où je vois beaucoup de gens qui se rassemblent, qui sortent de chez elles et de chez eux, qui en fait sortent de leurs habitats, créent des moments collectifs de rencontres, de retrouvailles. Je vois un pique-nique de quartier, je vois des ateliers avec les enfants, je vois une assemblée citoyenne avec le maire du coin et tout ça avec un beau soleil et du ciel bleu. Et en 2030 glorieuse, donc, maintenant, quand tu rencontres des inconnus et que tu leur dis que tu es artiviste, il n'y a plus personne qui fronce les yeux, lève les sourcils, je ne sais pas, en tout cas, qui fait une drôle de tête. Non, c'est vrai que là, les gens, ils sont plutôt... J'allais dire un peu choqués positivement. Enfin, en tout cas, ils ont envie d'en savoir plus. Ils sont intrigués, mais avec une véritable envie de creuser, de savoir un peu plus ce que c'est, de dire « Oh, mais c'est... » En fait, c'est chouette, ça me donne envie. Et oui, je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui cette question de légitimité, de est-ce que ça rentre dans une case, d'un métier, d'une société qui est déjà toute contrôlée. En fait, maintenant, il y a la possibilité de réinventer son métier et ça devient normal d'avoir ces nouveaux termes, en fait, et de s'intéresser à ça. Ça dit quelque chose aussi de la place de l'art dans notre société, de notre relation, nous, les êtres humains, à l'art en 2030 glorieuse. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, bon, ça fait une dizaine d'années maintenant, mais l'époque du Covid avait vu les salles de spectacle, les librairies, pour ne citer qu'elles, être reléguées au rang de lieux non essentiels. Je crois qu'on les appelait comme ça à l'époque, ça me semble un peu lointain, pardon. Aujourd'hui, l'art, il occupe une place complètement différente dans nos vies. Raconte-moi. Ouais. Bah déjà, je pense qu'on s'est rendu compte de la puissance, de la force et du côté essentiel et même vital de la culture dans nos sociétés pour l'ouverture d'esprit, pour le partage, pour le questionnement, pour grandir en fait en tant qu'humain. Pour moi, il y a vraiment ce pilier fondamental. Et aujourd'hui... l'art a pris beaucoup plus de place. Déjà, les budgets de l'État sur la culture ont considérablement grossi, que ce soit dans les parcours à l'école, on a beaucoup plus de place à aller faire du théâtre, danser, faire de l'écriture, du dessin. Il y a de plus en plus de parcours qui sont en fait dans lesquels on intègre des pratiques artistiques. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on s'est réapproprié l'espace public. C'était un des gros enjeux, moi, déjà il y a 10 ans, dont on parlait et sur lequel on a avancé. Comment est-ce qu'on se réapproprie l'espace public et qu'on fait un terrain de jeu artistique, en fait? Et du coup, un peu... Ouais, raconte-moi comment tu te souviens, le métro, c'était simplement un endroit où on passait devant des centaines, voire des milliers de pubs chaque jour. En fait, l'espace public, tu le dis, à l'époque, il était simplement dédié à soit le mouvement, soit le fait de faire tourner la machine économique, les boutiques, etc. Tu vois, comment l'art a réussi à reprendre sa juste place ? C'est vrai que si on prend l'exemple du métro, maintenant, ça n'a plus du tout la même tête avec ses couloirs hostiles, remplis de pubs, de choses inutiles. Maintenant, c'est des espaces de création, des espaces de création libre, il y a des espaces pour les artistes, c'est coloré, en fait, c'est beau, ça fait passer des messages. À l'intérieur des métros, il y a aussi des endroits où on peut laisser des mots, écrire des textes. Il y a des poèmes, en fait, qui sont lus. Et puis, on a aussi de plus en plus de performances artistiques. C'est-à-dire, quand on attend sur le quai du métro, en fait, maintenant, on danse et il y a de la musique. Et on peut aller rencontrer des gens de cette manière-là. En fait, c'est des choses du quotidien qui reviennent mettre de la... Bah, en fait, on parlait beaucoup de joie, mais enfin, de même juste de l'émotion et de la connexion avec les gens, parce que c'est beaucoup plus présent. Et quand on sort du métro, bah, c'est en fait hyper facile d'aller danser sur une place en mettant notre musique, beaucoup plus facile d'aller voir des spectacles de circassiens, circassiennes qui grimpent sur des immeubles, parce que c'est beaucoup plus courant et qu'on valorise les artistes et leur engagement. Et en plus, on a réussi à lier art et enjeu de transition. Et du coup, c'est un moyen de sensibiliser encore plus le grand nombre, quoi. Ouais, il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est que pour sensibiliser, il fallait que les personnes, déjà, elles soient, j'allais dire, à l'aise dans leur basket. En fait, on soit chacun, chacune, pas des êtres finis. C'est pas une question d'être parfait, c'est pas une question de savoir exactement qui on est, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, c'est cette recherche qui nous met en mouvement et qui fait qu'on continue à creuser, à se planter, à avancer, à se relever. Mais au contraire, on est à l'aise, quoi. On est bien avec nous, on est heureux d'être seul. Enfin, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, je reviens encore à ça, mais quand on s'ennuyait, on avait tellement peur d'être avec nous-mêmes qu'on sortait immédiatement de notre téléphone pour scroller quoi, sur les réseaux sociaux. Et donc l'art, comment il nous a aidés à contribuer au fait qu'on soit bien avec soi-même ? Moi, j'ai quand même le sentiment que laisser des espaces de créativité et de création, moi, je pense que ça aide tout être humain. D'essayer de rêver, de travailler l'imaginaire, l'imagination. Je pense que l'art aussi est très lié à la question du rêve. Et je pense que c'est venu en fait remettre des petites doses de bonheur, des petites doses d'espérance aussi dans notre quotidien. Et ça, je pense que c'est hyper fort en fait. Finalement, ça permet de creuser ses singularités aussi, peut-être aussi, de se dire en fait, moi, ce qui me tente le plus profondément, c'est le dessin, mais pourquoi le dessin ? C'est la musique, mais pourquoi la musique ? La danse, et pourquoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire de ma relation au corps, de ma relation à la couleur, de ma relation à la différence ? Ça permet de se poser toutes ces questions. Se poser des questions, quoi. Ouais. Sortir de sa bulle, se poser des questions, savoir ce qui nous fait du bien, savoir ce qui nous met en mouvement. Et aussi, tu vois, il y a ce côté. Introspectif que peut avoir l'art, mais il y a aussi le côté connexion que ça amène en fait. Pour moi, ça rassemble. Pour moi, ça fait se rejoindre des univers. Ça fait se questionner aussi en groupe. Aujourd'hui, on a plein de pièces de théâtre maintenant qui existent et à la suite desquelles on a des temps de discussion, des temps d'échange, mais même des performances de danse. En fait, on a aussi venu créer des espaces de discussion et de confrontation et du coup, ça a recréé du lien social. C'est intergénérationnel. Comment est-ce qu'on met autour de la table en fait des générations différentes, et l'art a cette capacité de rassembler, et ça, moi, je trouve ça magique. Tu devances un peu ma question d'après, en fait, Julie, parce que j'ai l'impression que là, d'une certaine manière, on se disait en réalité que là où le capitalisme, il rassemblait dans l'uniformité. On avait besoin de se conformer, on avait besoin d'être tous et toutes pareils, avec les mêmes marques, les mêmes objets, pour avoir le sentiment d'appartenir. L'art, il nous permet au contraire de nous rassembler dans nos singularités. On n'a plus besoin d'être comme les autres, on peut être soi-même, et parce qu'on est vraiment soi-même, alors on apporte encore plus au collectif. Donc ça, c'est quelque chose de majeur, c'est vraiment une rupture des 2030 glorieuses. Et l'art, il nous permet aussi d'avoir des espaces pour repasser le contrat social, le repenser, le retisser et donc exprimer nos frustrations, nos colères, nos indignations, parfois de passer nos violences de manière constructive, de manière vivante, joyeuse, pas destructive, pas destructrice. Raconte-nous ça, tu le disais un peu, de recréer des connexions entre les générations, entre les gens, raconte ça. Ah ouais, non, je suis hyper, je trouve ça... hyper juste ce que tu dis, et je trouve aussi, ça me fait réaliser aussi à quel point c'est un outil démocratique incroyable en fait, parce que ça rassemble un peu tout ce que tu viens de dire, de la question de la cité, comment est-ce qu'on remet aussi au cœur de nos vies la cité, le vivre ensemble, l'intérêt général. Je crois beaucoup à cette notion d'intérêt général que le capitalisme justement aspire et ne fait ne plus exister, et là les pratiques artistiques peuvent être au service en fait de remettre de l'intérêt général, de créer des espaces de cohésion, Et du coup, la démocratie qui est aussi le fait de ne pas être d'accord et de pouvoir dire ses divergences. En fait, l'art peut être un vecteur, à la fois un tremplin, mais aussi un porte-parole et des manières de développer ces espaces démocratiques. Moi, je trouve ça très, c'est une des grandes avancées et des choses qui m'enthousiasment aujourd'hui. Et puis enfin, l'art, il nous a permis aussi, ils nous ont permis, les arts en réalité, enfin, de reprendre notre place parmi le vivant, en mieux le comprenant ce vivant. Et donc, on écrit toute notre scolarité, des essais, des fictions, depuis la place d'autres animaux. On écoute des chants de baleines comme on écoute le nouvel album d'un artiste qui nous est cher. On a l'art qui nous permet comme ça de se rendre compte à quel point on est relié à tous ces autres animaux qu'on croyait être sur une étagère sur laquelle on pouvait puiser à l'infini. Ça nous remet quoi de... C'est du respect, de l'humilité, c'est de la contemplation. C'est quoi que ça permet de recréer ça? Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça, de... juste de faire partie aussi d'un tout. Et moi, là, j'ai le mot « la société des liens » qui me vient en tête, que je trouve un mot qui est très fort. Comment est-ce qu'on reconnecte le lien à soi, le lien aux autres, le lien au non-humain et le lien à plus grand que soi, qui est comment on fait société. Et là, l'art, sous toutes ses pratiques, vient aussi essayer de créer cette société des liens et contribuer à ça. Et comme tu disais, c'est à la fois à l'école et dans plein d'espaces, dans plein d'institutions, pour venir remettre ces espaces de création, mais aussi à l'extérieur, en fait. Enfin, juste de se dire, l'art, maintenant, fait partie de nos vies. Quand on va d'un endroit A à un endroit B, quand on se déplace, quand on part en vacances, en fait, comment est-ce que ça, c'est un petit peu partout? Et c'est pas que cantonné à des temps artistiques, mais que ça fait partie de notre quotidien. Et ça, moi, je crois que ça crée fondamentalement plus de liens. Ouais, c'est fou, hein, parce qu'à l'époque, l'art, c'était plutôt une manière un peu dévoyée de nous faire avaler la pilule et de... Oui, et puis c'était dans les musées, ouais. En fait. Qui va au musée? Ce sont les mêmes types de personnes. C'était des sas de décompression, parce que derrière, on pouvait continuer à produire et des ressources humaines. Et puis, de temps en temps, on nous autorisait comme ça, une heure par-ci, une heure par-là, à se connecter à travers l'art à nous-mêmes, aux autres. Mais en fait, aujourd'hui, on a complètement renversé ça. Les temps de production, ils sont aujourd'hui réduits à la portion congrue, la portion minimale en réalité. C'est ça, c'est comment l'art est revenu dans le quotidien, comment il nous sert, comment il nous appuie, comment il nous fait grandir, comment il nous fait voir le monde différemment, comment il nous fait voir la différence. Pareil, d'écrire en se mettant à la place d'une espèce d'oiseau ou d'écrire en se mettant à la place d'une personne qui vit dans une situation différente que la mienne. Pour moi, c'est aussi revenir à la justesse de notre place et la complémentarité de tous les éléments du vivant, quoi. Donc, ouais, c'est ça. On a bien compris, Julie, qu'en 2030 Glorieuse, tu es encore artiviste. Et à la fois, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question parce que c'est un peu la question la plus dure du podcast. Et toi, tu fais quoi en 2030 Glorieuse? J'ai l'impression que tu es encore artiviste, donc conforte-moi dans cette idée ou pas. Mais comment tu le fais? Peut-être que c'est ça la question. Comment tu es artiviste en 2030 Glorieuse? Ouais, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que en 2030 Glorieuse, en effet, il y aura toujours des artivistes parce que je pense que l'art doit faire passer des messages et devra continuer à se battre pour continuer à faire advenir ce monde-là. Donc vraiment, il y a pour moi une notion très forte de continuer avec l'activisme à venir y mettre de la créativité. Et comment je le ferai? Moi, j'aimerais qu'il y ait des écoles de l'artivisme, en fait. Décrète-le, Julie, parle-en en présent. Je sais que tu sais, là, on est en train de parler de toi, donc tout de suite, il y a un lien au futur qui se crée, et donc tu te détaches un peu, mais continue au présent pour cette dernière question. Non, mais du coup, on a lancé des académies, des écoles, des parcours artivistes pour comprendre à la fois le passé et l'histoire de les mouvements artivistes, est-ce que ça a permis de gagner comme victoire, est-ce que ça a permis d'amener comme beauté aussi dans ce monde et comme combat qu'on a gagné. Et on apprend aussi, en fait, c'est quoi les théories artivistes aujourd'hui? Comment est-ce qu'on construit des actions artivistes? Comment est-ce qu'on remet de l'art engagé et créatif au cœur de nos combats? Et en fait, on forme plein de gens à ça pour venir remettre aussi cette joie militante au cœur de ce qu'ils font. Et ça marche très bien et ça a vocation à être intergénérationnel pour toutes les classes sociales, et qu'on traite aussi de que toutes les luttes puissent être traitées à travers ce prisme-là. Donc, tu n'as pas encore été contacté pour être jury de cette émission télévisée, tu sais, de l'art et du cochon qui est ce télécrochet où on essaie de repérer des artistes qui créent du lien avec le vivant. C'est ce qui occupe les jeunes. Là, ils sont tous devant leur télé en train de regarder cette émission. Non, t'es pas jury encore. Bah, de ça. Pour l'instant, non. Mais qui sait, hein. Franchement, qui sait. La route, elle est encore hyper longue. Et en même temps, hyper courte vers ces 2030 glorieuses, parce que les gens me disent, mais attends, les 2030 glorieuses, ça marchait bien il y a 10 ans, enfin en tout cas en 2020, ça marchait bien. Mais là, si on parle en 2024 et qu'on y revient petit à petit, on se rend compte qu'en réalité, les 2030 glorieuses, c'est presque demain. Mais 6 ans, il y en a tellement des choses qui peuvent se passer en 6 ans. Et c'est aussi la force des 2030 glorieuses, de dire qu'en réalité, elles peuvent peut-être dans la tête, dans les lois, dans plein de choses advenir par fragments à partir de, je ne sais pas, 2000 maintenant peut-être. Notre conversation qui va être l'étincelle qui va tout faire basculer, ou peut-être 2027, 28, bref, tu comprends l'idée. Comment on fait en sorte que les gens y continuent vers ces 2030 les 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble, là, ils nous écoutent, ils continuent par quoi quand ils terminent le podcast? Eh ben, enfin, moi j'ai quand même envie de dire que même si là on fait de la projection, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent déjà. En fait, on parle beaucoup de, tu sais, de nouveaux récits, nouveaux imaginaires. En fait, ils sont déjà là, présents, actuellement, concrets. La question, c'est juste qu'ils n'ont pas leur place et qu'ils ne sont pas assez mis en avant et que c'est d'autres récits qui sont majoritaires et dominants. Mais moi, j'ai un peu envie de donner un truc de. En fait, aujourd'hui, ça existe déjà. Il y en a un petit peu partout qui fleurissent. Et juste essayons de faire en sorte que ça devienne le récit dominant et pas un nouveau récit, mais un récit existant qui a vocation à exister et à être majoritaire. Et ça, moi, j'y crois et j'ai envie d'y croire. Et bah, c'est aussi pour ça que je me lève tous les matins. Donc toi, tu dis qu'en fait, là, il faut continuer en décrétant qu'on est légitime et majoritaire. Et c'est un changement... dans la tête qui ensuite fait que la société se mettra au diapason. Oui, bon, c'est très facile et très, enfin, c'est un peu réducteur, mais moi j'ai envie de croire au fait que on, enfin, en fait, de donner aussi confiance aux gens en leur disant qu'il existe des choses aujourd'hui, qu'il n'y a pas tout à réinventer, qu'en fait il y a plein de solutions et que nous c'est une toute petite brique en faisant de l'artivisme et en réinventant les manières de s'engager et que si ça parle aux gens, ils sont les bienvenus pour nous rejoindre. Mais qu'en fait maintenant c'est comment est-ce qu'on valorise ça, qu'on le pousse un maximum partout et que ça prend de plus en plus d'espace médiatique, culturel, politique. Et je trouve que c'est plus facile pour moi de m'ancrer dans du réel et dans du présent aujourd'hui pour imaginer le futur. En tout cas, voilà, j'ai aussi envie de remettre ça au centre. Et c'est pour ça que depuis 5 ans maintenant, je donne la parole à des personnes qui font déjà, qui sont déjà en 2030 glorieuses pour montrer qu'il n'y a rien inventé, qu'au contraire, tout est déjà là et que c'est une formidable excuse pour reterritorialiser nos rêves. Merci Julie. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuses avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuses.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuses à côté de chez vous. Salut !